La nouveauté à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivey, de Jean-Pierre Jeunet, en français. Notre ranch était perdu en plein cœur du Montana. Mon père avait l'âme et la mentalité d'un cow-boy. Tous les soirs, il portait un verre de whisky à ses lèvres, exactement toutes les 45 secondes. Comment mes parents avaient-ils pu se plaire ? Ils étaient comme le jour et la nuit. Quant à ma sœur Gracie, elle rêvait de brûler les planches. Et puis il y avait mon frère Layton, mon faux jumeau. Lui avait pris les muscles et moi les neurones. Votre invention a remporté notre prestigieux prix Bird. Waouh! Demain, je partirai pour Washington chercher mon prix. Chère famille Spivet, merci d'avoir pris soin de moi. Tout ira bien. Vous êtes une des meilleures familles du monde. Love, T.S. Allô, T.S. Je sais pas où tu vas, ni ce que tu cherches, mais reste toi-même. Le plus beau des chemins, de George Tillman Jr., en français et en anglais. Pourquoi je suis venue ici ? Allez ! Hé ! Hey ! Tu peux le garder. J'ai rencontré une fille. Tu rencontres tout le temps des filles. Non, pas comme cette fille. Elle est différente. On vient de deux univers tellement différents. Mais je n'ai jamais ressenti rien de tel pour une personne. Personne n'a jamais fait ça pour moi auparavant. T'as vu ça ? Quoi ? Mais le 9-1-1 ! Je suis venue vous rapporter ça. Où as-tu trouvé ça ? Dans votre voiture. Je n'ai pas été capable de lire ces lettres depuis des années. Je peux vous les lire si vous voulez. 10 avril 1940. Ma chère Ruth, je me souviendrai de la robe que tu portais même lorsque j'aurai oublié mon nom. J'aimerais pouvoir te dire que ce bonheur durera toujours. Tout le monde n'a pas cette chance. Vous, oui. Tout n'a pas été si simple. Luke, vous devez arrêter. La prochaine fois, vous le trouverez probablement à la morgue. C'est ça, ma vie. C'est tout ce que je connais. Je ne peux pas rester avec quelqu'un quand je ne sais jamais si je le reverrai à chaque fois qu'il passe la porte. Promets-moi que tu reviendras. Je te le promets. Je ne sais pas quoi faire pour que ça fonctionne. Je ne peux plus continuer comme ça. L'amour exige des sacrifices. Mais cela en vaut la peine. Les souvenirs de Jean-Paul Rouve en français. Surprise ! Que reste-t-il ? Merci. Surprise ! Bah tu manges pas ? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a disparu. Comment c'est possible qu'elle soit partie comme ça ? Vous les surveillez pas ? Mais c'est pas une prison ici, monsieur. Non mais attendez, un passe... Alors c'est déjà arrivé quelques fois, mais enfin bon, c'est rare. C'est pas la première fois, hein. C'est une vraie passoire là-bas. peut pas lancer un avis de recherche. À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement, on peut pas faire pareil. Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas, hein? On voit tout, nous, ici. Une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Putain, tu as reçu une carte postale de ma grand-mère? Voilà, faut que t'y ailles, faut que tu mènes l'enquête. Excuse-moi. Vous voulez vous suicider? Non. Parce qu'on a quand même le meilleur spot pour ça ici. Alors écoutez, moi je veux pas m'immiscer dans votre vie privée, mais moi en tant que professionnelle, je suis obligée de vous prévenir. Donc on longe la falaise comme ça, tac, on arrive ici, on saute, hein, on est venu pour ça. Sauf que en cas de vent, retour en arrière. Là, je compte pas me suicider, en fait, je suis plutôt quelqu'un qui aime la vie. Ah bah il faudrait le dire à votre visage alors, parce que là on peut pas deviner. J'en peux plus qu'on décide tout pour moi. Tu comprends? Elle a du caractère, ta mère. C'est bien le genre à partir comme ça. Allez, à ta grand-mère. Aussi à la Maison du cinéma cette semaine. Dangereux 7, de James Wan, en français et en anglais. La leçon, de François Girard, en anglais avec sous-titre français, Marinoni, de Tony Girardin, en français, Le prix à payer, de Harold Crooks, en anglais avec sous-titre français, Prison 101, de Ethan Cohen, en français et en anglais, En route, de Tim Johnson, en français, La passion d'Augustine, de Léa Poul, en français, Insurgé, de Robert Schwantke, en français, L'empreinte, de Carole Poliquin et Yvon Dubuc, en français, Toujours Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glatzer, en français, Le jeu de l'imitation, de Morten Tildum, en français.